Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est déjà à la première émission du mois d'avril 2021. Ça fait maintenant 6 mois et demi qu'on est repassé en format différé, hein, 6 mois et demi, qu'on n'a pas pu mettre les pieds à Radio Béton pour vous diffuser une émission en direct. Voilà, on est bien sûr toujours très très impatients d'avoir l'opportunité à nouveau de venir présenter l'émission en direct de 21 à 23 depuis le bocal de Radio Béton. En attendant, on continue, on s'adapte. Cette première émission du mois d'avril est chargée en nouveautés, hein, pas moins de 8 nouvelles formations entrées dans l'émission d'aujourd'hui. Ça va de Blaze Bailey à Decline of the Eye, en passant par Gulch et Midnight Odyssey, entre autres. Voilà, on prendra bien le temps de se faire les belles présentations, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les nouveautés qu'on entre aujourd'hui dans la playlist. Bienvenue donc à toutes et à tous, et encore une fois, si jamais vous ratez le quasi-direct du dimanche soir, pour rappel, le lundi en fin de journée, début de soirée, vous pouvez retrouver l'émission en intégralité via notre petit blog pour la télécharger et l'écouter plus tard, ou pour la réécouter à ce moment-là. Et également, pour rappel, quand on a des morceaux qui sont un peu trop longs, on les coupe pour que ça passe à Radio Béton. En revanche, vous les retrouvez en entier dans la version blog. Voilà, on entame tout de suite la prog musicale avec la même doublette que la semaine dernière. The Crown et Toke, une doublette scandinave, donc The Crown, pure Swedish Death, qui nous sort son nouvel effort studio Royal Destroyer, une sortie déjà dispo chez Metal Blade, et Toke, qui nous sort un split avec Elheim, voilà, on est sur deux formations scandinaves qui évoluent dans deux styles de black différents. Toke, c'est toujours ce pagan black sans fioriture, hein, sans tutut ni rien, qui tabasse méchamment. Enolvis, c'est le nom de ce split qui vient juste de sortir avec Elheim. Absolute Monarchy, le titre de The Crown. And Bet is False, le titre signé Toke. Et encore une fois, bienvenue dans l'émission, c'est parti. Doublette suivante, déjà une doublette de nouveautés. Tout d'abord, une voix bien connue sur la scène heavy metal internationale et encore plus la scène heavy metal anglaise, monsieur Blaze Bayley, notamment bien sûr connu pour avoir été vocaliste au sein de Iron Maiden à la fin des années 90. De mémoire d'émission, hein, c'est ce que me précisait Sylvain, c'est la première fois qu'on diffuse un album studio de Blaze Bayley. Voilà, il a quitté, enfin, il s'est fait remercier de Maiden en 99. Il a sorti dans la foulée trois albums, sous le nom sobrement Blaze. Et en 2007, il a pris les choses encore plus au sérieux, il a monté son propre label, sous son propre nom bien évidemment, et il a repris son patronyme d'origine, à savoir Blaze Bayley. Et voilà, en 15 ans de carrière, et donc depuis son entre guillemets changement de nom, il en est déjà à 7 albums studio, si l'on compte celui à paraître à la fin de cette semaine, soit le 9 avril. Voilà, un gars plutôt productif, qui nous propose un heavy hard rock bien coolos, bien anglais dans la veine, hein. Il approche les 60 ans et cependant, voilà, vocalement, il tient toujours bien la route. Un peu comme Paul Di'Anno, hein, qui s'est entre guillemets réinventé une carrière. Après Maiden, bien sûr. Blaze Bayley n'évolue pas vraiment seul, hein, c'est son projet solo, c'est pas un one-man band cependant, hein, il est toujours accompagné de Zikos. Voilà donc pour la première nouveauté d'aujourd'hui, Blaze Bayley. Le titre de l'album c'est War Within Me, il sort donc sur son propre label le 9 avril. Et dans la foulée, Enforced, ça nous vient des États-Unis, ne pas confondre avec les Allemands de Enforcer. Enforced, on est sur du trash crossover, donc le groupe s'est formé en 2016. Ils sortent là leur second album studio, un crossover que l'on pourrait un peu rapprocher d'un power trip. Les influences vont d'un Demolition Hammer en passant par les vieux Sepultura et Slayer. Ça n'a rien de nouveau, mais putain qu'est-ce que ça cogne et qu'est-ce que c'est efficace. Voilà donc second album studio pour les ricains de Enforced avec le titre de l'album Kill Greed. Blaze Bayley tout d'abord avec 18 Flights et dans la foulée Enforced avec le titre Malignance. C'est parti. Five songs in and déroule tranquillou l'émission avec la doublette suivante. Tout d'abord, le black des Hollandais de Wessenfiel avec Wessenfiel, Wessenwild, je sais pas trop comment on s'y retrouve sur la prononciation. Material God, c'est le nom de leur nouvel effort studio, déjà dispo via le label français Les Acteurs de l'Ombre. Et dans la foulée, les monstres russes d'Abominable Putridity, le groupe de Brutal Slam Death qui sort son nouvel effort studio Parasitic Metamorphosis Manifestation. Après quelques années d'absence en studio, le groupe nous sort un excellent nouvel album. Wessenwild, on va s'écouter le titre The Descent, et Abominable Putridity, on va s'écouter tout simplement le titre de l'album, qui à mon goût est un des meilleurs titres de cette nouvelle sortie studio, Parasitic Metamorphosis Manifestation. Et c'est parti tout de suite. Let us be thankful we have an occupation to fill. Work hard. Increase production. Prevent accidents. And be happy. Yeah! blessings of this stage, blessings of the masses, thou art the subject of the divine, created in the image of man, by the masses, for the masses. Let us be thankful we have come. Une autre doublette de nouveautés tout de suite avec Will, W-H-2-E-L, Fouil, donc ça nous vient d'Allemagne, formation Doom, Melodico Epic, formé en 2009, deux albums qui sont sortis très très vite, hein, 2010-2013, voilà, en 4 ans, deux scuds qui sortent, puis le groupe s'est mis un peu en stand-by, et voilà, là ils sortent tout juste, enfin ils se préparent à sortir leur troisième album album studio, hein, prévu également pour le 9 avril, petite avant-première encore dans l'émission. Niveau Doom, Will, on évolue dans la lignée des gros groupes type Candlemass, Solitude et Eternus et autres Trouble. Ce qui est vraiment cool, c'est l'association absolument parfaite entre la partie musicale et la partie vocale. Le chanteur, il a une voix hyper classe qui colle parfaitement et qui valorise encore plus la musique de Will. Les titres font tous plus de 5 minutes, sans non plus déborder de manière à faire des morceaux de 15-20 minutes. Chaque compo prend bien le temps de se développer, de se mettre en place, de dégager une aura, une ambiance. Cependant, ça traîne pas en longueur, comme ça nous est déjà arrivé avec d'autres formations de Doom. Voilà donc une excellente découverte pour nous, un très très bon groupe qui nous fait bien plaisir d'avoir ajouté à la playlist. Will donc avec ce nouvel effort studio Preserved in Time, une sortie sur le très très bon label Cruz del Sur Music. Et dans la foulée de Will, l'autre nouveauté, c'est Cryptosis. Alors Cryptosis, on en a parlé il y a quelques semaines en diagonale. Ils sortent non pas un album, mais un split avec l'Iricain de Vector, Bionic Swarm. Cryptosis, donc là on va s'écouter la deuxième partie du split. C'est une formation trash signée chez Century Media, un trio qui nous vient de Hollande. Ils évoluent depuis quelques années seulement dans une veine techno-trash, un croisement entre Vector, Coroner et un fond de Megadeth. Voilà, c'est le premier album du coup avec l'évolution musicale, puisque début des années 2010, ils évoluent sous le nom Distillator. Voilà, on était sur un trash un peu plus classique. Et donc voilà, pour marquer l'évolution musicale vers un style plus techno-trash, ou technitrash comme vous préférez, ils ont pris le patronyme de Cryptosis. Ne pas confondre avec Cryptopsy, hein, bien évidemment. Voilà, Cryptosis, Bionic Swarm, Will, le titre She Left in Silence, Death Technology, ensuite signé Cryptosis. C'est parti. She's drowning. Eh ben, on arrive déjà quasiment à la moitié de l'émission, donc on va opérer la petite glissade vers l'aspect française, avec bon, tout d'abord un groupe qui nous vient d'Allemagne, hein, Sarkrista. Sarkrista, c'est donc une nouveauté pour l'émission d'aujourd'hui, du pur black qui nous vient d'Allemagne, une formation qui a vu le jour en 2011, et ils sortent là leur troisième album studio, au visuel plutôt soigné. Hein, alors comme j'ai tendance à me répéter, hein, autant on travaille bien sûr sur la musique, autant quand un groupe nous propose un visu qui vaut le détour, on ne manque pas de vous le préciser pour que vous puissiez vous pencher encore plus différemment, encore plus différemment, encore plus avec attention sur le groupe. Voilà, c'est super agréable à l'œil et aux oreilles. Sworn to Profound Heresy, c'est le nom de ce nouvel effort studio de Sarkrista. Voilà, un BM sans concession qui nous rappelle un peu la saleté de la scène finlandaise à la sauce Orna Sergeist. Ils ont cependant une identité sonore un peu plus marquée, un peu plus personnelle. Et en duo avec Sarkrista, on entre de plein pied dans l'aspect française, avec une des meilleures sorties, encore une fois, death metal française de ce début d'année, Creeping Fear, nouvel album Head God Triumph, toujours sur le faux label Tourangeau, hein, j'ai mal taquiné là-dessus, Dolorem Records. Creeping Fear, le titre Collapse, et juste avant Sarkrista avec le morceau Sworn to Profound Heresy, soit le titre de l'album. Ah! On déroule dans l'aspect française avec Herzl, formation bretonne de ce qu'on pourrait appeler rigolant True Old School Heavy Metal, chanté en français. Hein, on est dans la pure veine des sortilèges et autres formations du genre. Le Dernier Rempart, c'est le nom de ce nouvel et premier effort studio. Demande à la poussière, ensuite avec leur nouvel album Quiétude Hostile. Demande à la poussière, on les a largement présentés la semaine dernière, Herzl d'ailleurs également. Herzl avec le titre La Flamme, Demande à la poussière avec le titre Léger goût soufre. C'est parti, toujours dans la doublette française.